avec notre passé pour guide. On se devrait d'être lucide, mais notre méfiance est à bout. L'amour est bien plus fort que nous, qu'on espère ou qu'on se résigne. Quand il le veut, il nous désigne. Voilà, ça devait être à nous. L'amour est bien plus fort que nous. De moi qui ferme, le temps s'habille de mystère et le vent du soir est plus doux. L'amour est bien plus fort que nous. Vivre libre en un marécage, ou vivre heureux dans une cage. Qu'importe, il fait son choix sans nous. L'amour est bien plus fort que nous. Suffire pour ne plus aimer de le dire. Pourtant, ça devait être nous. L'amour est bien plus fort que nous. C'est pour guide. Vous croyez qu'il pourrait suffire. On se devrait d'être lucide. Pour ne plus aimer de le dire. Mais notre méfiance est à bout. Voilà, ça devait être à nous.